arc-en-ciel. Voilà donc, très heureux de vous retrouver. Merci à tous et à tous. Il est 13h30, tout simplement. Voici donc une nouvelle émission, tout simplement, tous les vendredis. Et puis donc, aujourd'hui, un peu spécial avec... ça fait un peu longtemps qu'on n'entend pas beaucoup les années 60. Donc, eh bien, cet après-midi, on écoutera les chansons des années 1970. Et oui, donc, on écoute plusieurs générations différentes. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc on va commencer avec tout simplement France Gall, tout simplement Laisse tomber les filles. Voici donc Camille Cordy. Le Ruberlu, celui qui fait aglu, aglu, un vrai tohu-bohu. Il a un canari, oh là là, aussi beau que Tiki, oh là là. Mais il l'a peint en vert, en disant que ce ton s'harmonisait mieux avec son salon. L'avez-vous vu? Le Ruberlu. Chapeau pointu, le farfelu, pâte à cucu, l'avez-vous vu? Le Ruberlu, celui qui fait aglu, aglu, un vrai tohu-bohu. Ce n'est pas l'inventeur, oh là là, du fil à couper le beurre, oh là là. L'autre jour en plantant un clou dans une cloison, il a fait s'écrouler toute la maison. Le Ruberlu, Hurlu, tutu, chacha, chapeau pointu, le papa farfelu, pas très feu, l'avez-vous vu? Le Ruberlu, celui qui fait aglu, aglu, aglu, un vrai tohu bohu. Un matin tout à coup, oh là là, il partit comme un fou, oh là là, en se tenant la rate, en disant je me mate, il venait de se voir dans son miroir. Le Ruberlu, Hurlu, tutu, chapeau pointu, le farfelu, pas très foufou. Le Ruberlu, celui qui fait aglu, aglu, avec son hubolu. Si vous le rencontrez, oh là là, vous le reconnaîtrez, oh là là. Moi je le cherche partout, parce que je voudrais bien qu'il vienne chez moi amuser les copains. L'avez-vous vu une fois? Le Ruberlu, le teteux, chapeau pointu, le farfelu, pas très feufu. L'avez-vous vu? Le Ruberlu quoi? Celui qui fait aglu, aglu, un vrai tohu bohu. L'avez-vous vu? Le Ruberlu, le Ruberlu. Hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurlu, hurl Voici donc Antoine avec l'illustrubation. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, va en vacances. Je ne les garde pas pour me faire remarquer. Il part sur ça. Et puis juste après lui, on écoutera Carlos avec Big Bisou. Oh bien. Yeah. Le bibi dans le cou. Attends. sur le nez, à bord de sous, attention, sur le nez, embrassez-vous. Avec la langue de chez nous. Avec des mots super,

Voici donc, il s'appelle le titre L'Orange et c'est avec Gilbert Bécaud. Tu as volé, volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé, volé l'orange. Tu as volé, volé l'orange du marchand. C'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai pas peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau qui pleure. Appelez l'orange. Mais non, mais non, non, non. On se reverra. les prix au creux. Et puis juste après lui, nous, avec Hervé Villard. Nous réunirons le chemin. J'irai partout pour te chercher. Peu m'importe où tu t'es caché. À des milliers d'années. D'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu l'es. Pourquoi le silence? Pourquoi? Pourquoi? Je t'aime moi non plus.

Avec tout simplement Le monde est fou, le monde est beau. Et l'enfant parle doucement au soleil pâle des janvier. Mon cœur cigale va chantant à l'envers du calendrier. De rire du le débrouillard, la vie le jour est même connue. La vie circule sans histoire dans les grands livres des avenirs. Le monde est fou, le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau. Une symphonie inachevée qu'aucun génie n'a plus rêvé. Le monde est beau, le monde est fou, il promet trop pour donner tout. On sait pour vous c'est les rideaux, mais on s'en fout, le monde est beau. Je te regarde, tu souris, te fais bavarde avec la nuit. Ce soir le diable a des beaux yeux, on lui donnerait les bons dires. Moi j'ai voyagé sur ta peau, au fil de toi, au fil de l'eau. J'ai pris l'amour, laissé le navire, où l'on naufrage par plaisir. Le monde est fou, le monde est beau, et rendez-vous toujours nouveau. Une symphonie inachevée qu'aucun génie n'a plus rêvé. Le monde est beau, le monde est fou, il promet trop pour donner tout. On sait qu'au bout c'est les rideaux, mais on s'en fout. Le monde est beau, le monde est fou, le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau. Une symphonie inachevée qu'aucun génie n'a pu rêver. Le monde est beau, le monde est fou, ils promettront pour donner tout. On sait qu'au bout c'est les rideaux, mais on s'en fout. Le monde est beau, le monde est fou, le monde est beau. Arc-en-ciel. Soixante en fac, Cambrai avait le trac, ça me revient tout en vrac. Presley, Marilyn et Bach dans le même sac, Cohn-Bendit passe son bac. Le Vietnam sous la terreur, Berlin noyé de peur, le monde plein de trucs. On écoutait battre son cœur. Et nous, spectateurs. tête à la ceinture, touché Kennedy au cœur. Et nous, spectateurs, nous éclations tous en pleurs. Et nous, spectateurs, nous éclations tous en pleurs. À la Schlag, quand de Khrouchtchev à Prague et les Beatles dans leur jade, les sex shops à Copenhague, partout Madras et les poètes au goulard, la planète basculait sous mes yeux étonnés et les bombages explosaient. Et moi, laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire?

essentiel. Voici donc les émissions pour la soirée ainsi que pour demain, donc samedi. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel pour l'émission Découverte. Juste après, entre 19h jusqu'à 22h avec Mino pour l'émission Marika. Demain, on sera donc bien samedi. Vous allez retrouver Christine à partir de 9h jusqu'à midi avec l'émission Portugal Nos Corréziens. Juste après, entre midi jusqu'à 16h, Christine avec Salut les copains. Puis suivi de tout simplement 16h jusqu'à 18h, émission de Carla. Et puis une autre émission entre 16h jusqu'à 20h. Et puis pour le dimanche matin, à partir, si vous aimez bien, tout simplement, le Fado, tout simplement, avec l'émission de Canto. Voilà, avec Antonio et Mathieu, entre 8h jusqu'à 10h. Et puis entre 10h jusqu'à 12h30, c'est à vous qui faites l'émission. Le téléphone sonne avec Jérôme, Katia et Lionel. Et puis ainsi, vous me retrouvez pour l'accordéon à partir de 13h30 jusqu'à 16h. Voilà pour les émissions pour ce week-end et puis ainsi pour la soirée. Ça va bien? T'as tout bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Eh oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Leal canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. O grupo 25 de abril para animar o baile. Le groupe 25 avril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc je vous laisse deux morceaux portugais et puis on se retrouve juste après pour continuer l'émission avec l'accordéon, mais pour tout simplement les années 60. Que vamos gostar.

je reviendrai chargé de cadeaux. Iseo, Santiano, au pays j'irai voir Marco. À son bois je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo, Santiano, sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. On y va pour Dactylo Rock ? Oui ! Alors attention les gars, 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant de la tutelle. Wow. Bipapelula. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les Dactylo Rock. Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant la tutelle. Bipapelula. Dans tous les bureaux de bas en haut, les Dactylo tapent gogo et leur patron leur dit go go. Yeah, elles sont douces et très jolies. Ce sont les plus belles filles de Paris, les Dactylo Rock. Dactylo Rock. Faire leur conquête, les directeurs perdront la tête. Elles valent bien ça. Dans tous les bureaux de bras, on chantera très bientôt le rock des Dactylo. Go! Yeah! Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez les Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant la tutelle. Bipapelula, bipapelula. Voici donc qui s'appelle Les Faux Frères avec Quint. Connu comme ça, c'était un hasard. Ce sourire perdu pour toi te donnait ton espoir. Cet amour si chétif, si jeune, si tendre, amour de 15 ans. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici le groupe Les Surf avec Reviens vite et oublie. On a eu peur de pouvoir nous séparer.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Changer, mais pourtant tu vas m'a marcher dans les rues, mais rien n'est comme avant, tu sais. Tata, quand on s'aimait, oh oui. Tata, tu t'en souviens, oh oui. Tata, qui a passé d'une vie. Tata, tata, tata, tata, tata. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Simplement, Richard Anthony, avec à présent, tu peux t'en aller. Chanson là qu'on va se quitter parce que l'émission bien sûr touche à sa fin. Voilà donc, eh bien j'espère que vous avez passé un bon après-midi en ma compagnie, qu'on va se retrouver donc eh bien vendredi prochain, mais aussi dimanche à partir de 13h30 pour l'accordéon, entre 13h30 jusqu'à 16h. Voilà donc, eh bien je vais te passer bonne fin d'après-midi, un bon week-end et je vous dis bonsoir à tous et à toutes.

la voir un soir. Retour à la case d'espoir. Jeter ses billes au caniveau, titine, agateuse et calot, et le cœur en réclame avec son âme. Mais personne pour vous adopter, même un moment vous essayez, et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Drôle de monopoly, ma vie. Des cartes chance, malchance, tant pis. Gagner des gares sans train, patin, chagrin. Compagnie du gaz, des eaux bon. Mais compagnie, désolation. Raté Pigalle, la Breteuil, les champs, la rue de la paix dehors, dedans, et le cœur sur la touche, le corps qui se couche, et puis soudain la voir un soir, retour à la case d'espoir. Perdu tout seul dans cette prison, des dés qui font des comptes pas bons, et le cœur en détresse. Même pas d'adresse. Mais personne pour vous adopter, même un moment vous essayez, et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Et personne pour sécher vos pleurs, personne à qui donner son cœur, et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Et puis soudain la voix, retour à la case d'espoir. Eh mon cœur, qu'est-ce que t'en penses? On a eu de la chance. Quand elle est partie en ville, la trop belle Lorelou. Quand elle est partie en ville, Gros Pierre est resté chez nous. Tilidam, dilidam, dilidou. Tilidam, dilidam, dabelidou. Il s'est passé des semaines, du mauvais temps, du temps doux. Il s'est passé des semaines à perdre le goût de tout. Tilidam, dilidam, dabelidou. Il a reçu une lettre, c'est la belle Lorelou. Il a reçu une lettre qui n'en disait pas beaucoup. Il a dit à Charles-Émile, il passait ses nuits debout. Gros Pierre est parti en ville un soir entre chiens et loups. Quand il eut marché des milles, quand il eut cherché partout, quand il eut payé la ville, est revenu sans le sou. C'est pour quand tes fiançailles, c'est-y en ville ou chez nous,

ton rire, ta joie, et ne reviendra pas. Dans le grand silence des souvenirs perdus, tu trembles et tu t'agites. Tu veux ton enfance, ton nom, ta voix, elle ne reviendra pas. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Meu Deus, diz-me o que faço desta minha vida. Essa mulher é o meu mundo, é sol de primavera. Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora. Ela foi meu sonho lindo que se foi embora. Ela é a minha metade, o amor mais profundo. Por ela eu me apaixonei no primeiro. Bye. A gente dorme junto, né? E toma banho junto, né? A gente tem saudade, mas não passa de amizade. A gente tá embolando sentimento com tesão. Tá perdendo a noção. Combinado não sai caro. Jimmy, t'es fort. qui va trop vite, Jimmy pleure Nietzsche. Il sent son parfum sur la corniche. Les lacets, le gravier est dans l'air du soir. La Chrysler s'envole dans les fougères. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Au son de uma guitarra, escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de um menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos, a vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui. Com a mesma paixão da primeira canção, hoje estou aqui. Agradeço tudo que por mim já passou. Até no vagabundo há o homem que hoje sou. Das emoções vividas, das mãos desilusões. Com a mesma paixão. querer viver, sair com os amigos e não me lembrar amanhã. Eu sou gitano e quero beber com minha família e todos vocês. Eu quero bandigar. Eu quero desfrutar. São tantas garrafas na mesa que começa a viajar. Minha família a bandigar. Hoje eu não quero saber. O que eu mais quero é viver, sair com os amigos e não me lembrar amanhã. Eu sou gitano e quero beber com minha família e todos vocês. Eu quero Nem todos somos iguais. Mas hoje eu não quero saber. O que eu mais quero é viver, sair com os amigos e não me lembrar amanhã. Eu sou gitano e quero beber. Oh,